Section 59 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiana Popescu. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États. 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rimbaud. Chapitre 13, deuxième partie. La Hongrie et les Angevins, par Ernest Denis. La Hongrie et les Angevins, caractères généraux. La fortune de la Hongrie, depuis l'extension de la dynastie nationale des Arpades, est moins éclatante que celle de la Bohême. Louis d'Anjou est inférieur à Charles IV, et bien que les révolutions ne manquent pas, aucune ne saurait être comparée, pour l'importance des intérêts engagés et des résultats poursuivis, à la guerre des Hussites. Si l'on faisait abstraction de la lutte soutenue par les Magyars avec les Turcs, qui ne devient d'ailleurs réellement héroïque un peu plus tard, à l'époque des Hunyadis, leur histoire au XIVe siècle et pendant la première moitié du XVe pourrait presque être négligée dans un tableau d'ensemble. Dans ses traits les plus généraux, cette histoire présente, avec un intérêt moindre, des nombreuses ressemblances avec celles de Bohême. À Pest, comme à Prague, l'établissement d'une dynastie étrangère marque une sorte d'affaiblissement de l'indépendance nationale et comme une vague préparation à la perte de la Hongrie dans la monarchie autrichienne. Elle a des grands rois, étend ses frontières et attend par moments une réelle puissance extérieure, mais cette gloire a plus d'éclat que de solidité. Ses conquêtes, préparées par des calculs heureux plus que par le développement naturel des ressources du pays, sont presque aussitôt perdues. Ses souverains ne parviennent pas à triompher des résistances de la noblesse et à constituer solidement leur autorité. Absorbée par le souci de ses lointaines aventures, la royauté néglige de protéger le peuple contre les empiétements des seigneurs et l'anarchie oligarchique qui s'établit use les forces de la nation et prépare les succès des Turcs et des Autrichiens. Violente et égoïste, oppressive et bornée, la noblesse conserve du moins un instinct patriotique très vif. Le sentiment magyar semble même accru par la domination étrangère, et l'influence allemande, si menaçante sous les dernières Arpades, est jalousement surveillée et contenue. En dépit des fautes accumulées, la Hongrie, grâce à la force de ses traditions nationales, pourra traverser sans y périr plusieurs siècles de servitude et de souffrance. La dynastie angevine. La première des dynasties étrangères qui ont régné en Hongrie, celle aussi à qui elle a dû peut-être les meilleurs jours de son histoire, c'est une dynastie française, les Angevins, 1308-1382. Le frère de Saint-Louis, Charles, comte de Provence, du Maine et d'Anjou, appelé en Italie par Urbain IV, s'était emparé du royaume de Naples. Son ambition en quête revêt de bien autres conquêtes. Il songeait à l'Empire d'Orient, négociait avec Ottakar, surveillait surtout avec soin les événements de Hongrie. Aucune acquisition n'aurait pu lui être plus utile. Elle lui ouvrait une voie nouvelle vers Constantinople et faisait de l'Adriatique un lac angevin. Le fils de Béla IV, Étienne, plus tard roi sous le nom d'Étienne V, 1270-72, cherchait des alliés contre son père, qui l'accusait de compromettre l'avenir du royaume en favorisant les Allemands. Il s'entendit sans peine avec l'ennemi des Hohenstaufen. Il fit épouser sa fille Marie au fils du roi de Naples, Charles Boiteux, et son propre fils Ladislas à la sœur de ce roi, Élisabeth, 1269. Quand Ladislas IV mourut en 1292, sans laisser d'enfant mâle, la royauté était compromise par ses débauches et la famille d'Arpade discréditée par la préférence qu'il avait témoignée aux Coumanes. Ladislas avait adopté un petit-fils d'André II, qui fut couronné sous le nom d'André III, 1290-1301. Mais sa sœur Marie réclama la couronne pour son fils Charles Martel, et le pape Nicolas IV soutint les Angevins. André réussit par d'habiles concessions à rallier la noblesse et réveilla dans le peuple les sentiments d'attachement à la dynastie. Charles Martel mourut en 1995 après avoir vainement essayé de conquérir la Dalmatie. Cependant, la Curie refusait toujours de reconnaître André III et, à sa mort, Boniface VIII ordonna aux évêques hongrois d'accepter pour roi le petit-fils de Marie, Charles Robert. Le Parti national offrit le trône au roi de Bohême, Venceslas II, qu'il accepta, mais fut bientôt rappelé dans ses états héréditaires. Les Transylvains et les Allemands voulurent alors proposer aux Angevins le duc Otto de Bavière. Pendant plusieurs années, la guerre civile désola le royaume. Enfin, en 1309, la Diète hongroise, grâce surtout au cardinal légat Gentilis, reconnut Charles Robert, qui fut couronné en 1310. État de la Hongrie au commencement du XIVe siècle. Le nouveau roi s'aperçut bien vite, comme tant des prédécesseurs avant lui et tant de successeurs plus tard, qu'il était moins difficile de conquérir le trône que de s'y maintenir. La Hongrie garde un souvenir reconnaissant aux Arpades, qui avaient obtenu droit de cité pour elle en Europe et tracé le cadre de l'évolution constitutionnelle du pays. En somme, ils avaient ouvert la voie plutôt que réellement accompli l'œuvre d'organisation, et les troubles qui, depuis l'invasion mongole, avaient duré presque sans interruption, avaient arrêté tout progrès. La Hongrie, au moment où les Angevins arrivaient au pouvoir, traversait une crise décisive et elle aurait eu besoin d'une direction énergique et persévérante. Ces nouveaux souverains ne manquèrent ni de perspicacité ni de bonne volonté, mais leur attention se dispersa sur de trop nombreux objets et le temps leur fut trop parcimonieusement mesuré. Jetés à mi-chemin de l'Occident et de l'Orient, tiraillés entre les influences allemandes et byzantines, la Hongrie était encore incertaine de son avenir, et ses hésitations retardaient son développement en même temps qu'elles donnaient à la politique de ce prince quelque chose de flottant et de capricieux. Attirés tour à tour vers le Danube inférieur et vers l'ouest ou le nord, ils inquiétaient plus leurs voisins qu'ils n'agrandissaient sérieusement leur domaine, et leurs conquêtes n'étaient que des razzias qui les exposait à des redoutables représailles. À une époque où la langue magyare naissait à peine, les haines de race qui ont éclaté de nos jours avec une redoutable violence et qui entraîneront la dissolution de la monarchie hongroise n'existaient pas encore. Les successeurs de Saint-Étienne n'oubliaient pas ses conseils, et comme lui, ils protégeaient les étrangers et les hôtes, car un royaume d'une seule langue et d'une seule coutume est faible. Il n'y en avait pas moins un danger et une cause de trouble dans cette bigarrure extrême de peuples profondément divers qui constituaient le royaume, allemand, slave, roumain, hongrois. Chaque peuple avait non seulement sa langue, mais ses traditions et ses lois, souvent même sa constitution autonome et ses chefs élus. Rien n'était mieux fait pour favoriser les discordes intestines, parce que l'ambition des prétendants était toujours sûre de trouver un appui dans la rivalité sourde des nations. La géographie ne compensait que très imparfaitement les inconvénients de ce morcellement ethnographique, les pentes du Tatra, le plateau de la Transylvanie, les bassins de la Drave et de la Save constituent en effet autant de provinces nettement distinctes et dans lesquelles n'exerçait guère l'influence des riverains de Danube et de la Thèse. Les Magyars, qui occupaient le centre du pays, étaient sans doute couverts contre l'invasion par cette ceinture de provinces sujettes, mais ils étaient aussi coupés de toute communication immédiate avec les peuples voisins. Et leur action au dehors devait toujours être faible, parce qu'elle était indirecte. Enfin, bien que la Dalmatie fût officiellement réunie à la couronne, les Vénitiens ne cessaient pas d'en réclamer la possession, et même quand elle relevait des rois de Hongrie, l'influence italienne y était prépondérante, en sorte que tout accès vers la mer était fermé aux Magyars. Les difficultés qui résultaient de cet état des choses étaient gravement accrues par les habitudes révolutionnaires qu'avaient développées les derniers incidents. La bulle d'or hongroise de 1222 et les ordonnances qui la complétèrent avaient protégé la petite noblesse contre les usurpations d'une oligarchie envahissante et en développant chez elle l'esprit politique, préparait à la nation pour les jours de crise de précieuses réserves. Malheureusement, d'une part, la royauté, dépouillée très vite de la plupart de ses revenus et de quelques-unes de ses prérogatives essentielles, fut trop faible pour exercer ses fonctions naturelles de protection et de modération. Et d'autre part, la bourgeoisie, formée exclusivement d'étrangers et en particulier d'Allemands, s'enferma dans ses privilèges et ne s'occupa pas des intérêts publics. Ici encore, on retrouve l'action de ces divisions de races qui ont exercé une si désastreuse influence, bien que parfois dissimulée, sur les destinées de la Hongrie. La noblesse, dont aucune classe ne contrebalançait l'autorité, abusa de sa situation, elle réduisit les rois à l'impuissance et le peuple à la servitude. Héroïque mais imprévoyante et avide, dédaigneuse des travaux de la paix, elle offrit aux prétendants des soldats toujours prêts, et si son courage indompté opposa aux maîtres étrangers une infranchissable barrière, sa turbulence égoïste condamna la patrie à des siècles d'anarchie et de misère. Politique intérieure des Angevins. Les Angevins avaient aperçu le mal et ils parurent un moment sur le point d'en triompher. Il avait fallu plus de 10 ans à Charles Robert, roi de 1310 à 1342, après qu'il eut été couronné, pour établir son autorité. Aussi, lorsqu'il eut à peu près soumis le royaume, s'efforça-t-il d'habituer les nobles à l'obéissance. Louis le Grand, 1342-1382, son fils, continua sa politique, et ils parvinrent à rendre à la monarchie la plus grande partie du prestige qu'elle avait perdu. Contre les seigneurs, ils s'appuyèrent sur la papauté et sur les villes. Charles Robert devait sa victoire à l'Église. Il n'oublia pas, ne lui contesta aucun des droits qu'elle s'arrogeait, la laissa lever les dîmes, les annates, quelquefois même disposer de ses évêchés. Lui, fort habilement, apaisa à force de complaisance les inquiétudes qu'avaient éveillées à Rome ses prétentions sur le royaume de Naples. Le pape n'avait pas d'auxiliaire plus soumis. En 1359, le bruit se répandit même qu'Urbain V, mécontent de l'empereur Charles IV, allait faire élire à sa place Louis d'Anjou. En récompense de leur dévouement, les Angevins obtenaient de la curie le droit de lever d'importantes redevances sur le domaine ecclésiastique, et la bienveillance des papes déjouait les complots de l'opposition, qui avait toujours eu, jusqu'alors, des complices dans le clergé. De leur origine capétienne, les Angevins avaient retenu la nécessité d'une étroite alliance avec l'Église, et comme les Capétiens, ils en recueillaient d'inappréciables avantages. Comme les Capétiens aussi, ils favorisaient la bourgeoisie, accordaient aux villes des privilèges plus étendus, infondaient des nouvelles. Les circonstances, en stimulant le progrès matériel, augmentaient l'importance des cités. Le commerce prospérait, par suite de la sécurité rétablie, des relations plus fréquentes avec l'Italie, des conquêtes aussi, qui rattachèrent un moment à la Hongrie, la Pologne et divers états du Danube inférieur. Les bourgeois se serraient autour des princes, auxquels ils devaient l'aisance et l'ordre. Sans impôts nouveaux, par simple effet du développement de la richesse publique, les ressources financières des souverains devenaient moins étroites. Les Angevins furent des financiers économes et prudents en général. Ils renoncèrent aux désastreux expédients de l'altération des monnaies. Charles Robert est le premier roi hongrois qui ait fait frapper des ducats d'or. Comme ils rappelaient la monnaie de Florence, on les appelait des florins. Ils eurent cours dans tous les pays voisins. Les douanes, les revenus des domaines royaux, suffisaient aux dépenses et les souverains ne faisaient que rarement appel à la générosité des diètes. Celles-ci n'avaient ainsi aucun prétexte pour s'immiscer dans le gouvernement. Sous Charles Robert et lui, ils sont convoqués assez rarement et finissent presque par disparaître pendant les dernières années du règne de lui. Ils sont remplacés par le conseil royal, mais ce conseil, dont le roi nomme les membres, ne se compose que des officiers et des barons sur le dévouement desquels il peut compter. Les nobles sont attirés à la cour et abdiquent, en échangeant des pensions et des titres, quelque chose de leur rude indépendance et de leur morgue hautaine. Les mœurs se polissent. Lui fonde à Pex, Fünfkirchen, une université où les papes ne permettent pas cependant l'enseignement de la théologie. Des superbes palais s'élèvent à Bischerad et Estergom, Graz et à Weizen. Les tournois deviennent à la mode, et si la Hongrie n'est pas un pays de complète féodalité, les habitudes chevaleresques de l'Occident y pénètrent. L'armée nationale est peu à peu remplacée par une armée féodale, et les forces militaires se groupent par banderia autour de principaux chefs ecclésiastiques ou laïcs. Les rois encouragent un changement qui les dispense de solliciter l'autorisation de la diète pour lever des soldats. Lui attire à sa cour des peintres, des sculpteurs, des architectes. L'instruction se répand et les goûts des lettres. Nous savons qu'il y avait alors tout un cycle poétique qui célébrait les héros nationaux, et parmi eux le grand monarque Angevin. De cette littérature magyare, il ne reste en somme à peu près rien, et c'est comme le symbole de la dynastie angevine. En quoi tous ces travaux ont-ils servi l'avenir? Ce n'est guère qu'un temps d'arrêt dans les luttes anarchiques. Aucune institution féconde et solide ne protège le royaume contre le retour des anciennes discordes, et cette couche légère de civilisation s'effrite au premier souffle. La comparaison classique entre l'empereur Charles IV et Louis d'Anjou est assez peu justifiée. Les révolutions ont eu beau ébrécher l'édifice élevé par Charles IV, le corps général est resté debout. Il a préparé la renaissance de la race slave en Bohême et l'a sauvé de la germanisation. Ce qu'il aimait réellement les Tchèques, s'inspirait de leurs anciennes traditions et que ses réformes poussaient le royaume dans la voie de son développement naturel. Au contraire, les qualités supérieures des Angevins ont été annihilées par un vice capital. Ils n'ont jamais bien compris le peuple qu'ils gouvernaient. Ils ont toujours été des étrangers sur le trône. Leur création en garde quelque chose de factice et de précaire. Sous l'éclat de leur pouvoir, on devine sans peine les germes de décadence, et leurs habiletés ajournent les difficultés sans les résoudre. Volontiers, ils sacrifient à la tranquillité du jour la sécurité du lendemain, et le seigneur se console de leur soumission momentanée en se préparant une revanche. Non seulement lui, par exemple, confirme la bulle d'or, 1351, sauf à ne pas l'appliquer, mais d'imprudentes mesures augmentent le pouvoir de l'aristocratie. La noblesse héréditaire se constitue par la loi d'atavicité. Les familles nobles n'ont plus le droit de vendre leurs biens, leurs domaines se transmettent tant qu'il existe des héritiers naturels. Qu'un roi faible monte sur le trône, qu'une régence survienne, que plusieurs compétiteurs se disputent la couronne et la noblesse plus solidement organisée, plus riche, plus maîtresse de ses serfs, disputera au souverain les prérogatives qu'il n'exerce plus que par une sorte de ruse et comme par tolérance. Politique étrangère des Angevins, apogée de la puissance hongroise. Les mêmes réflexions se présentent à l'esprit à propos de la politique extérieure des Angevins. Charles Robert était un calculateur à longue vue. Il avait marié son second fils, André, à la petite fille du roi de Naples, Robert, et avait épousé lui-même la fille de Vladislav de Pologne. Des vastes perspectives s'ouvraient ainsi devant l'ambition de sa famille. Du jour où elle étendrait sa puissance de la Baltique au détroit de Messine, qui oserait lui disputer cet empire d'Orient qui avait toujours été le terme de ses désirs? Lui faillit réaliser les projets de son père. Il était naturellement de premier mouvement, nous dit Villani. Les échecs le décourageaient vite, et trop d'espérance le sollicitait à la fois, pour qu'il les poursuivît avec beaucoup de persévérance. Mais il avait l'imagination vive, l'esprit fécond et souple. Sans grand talent militaire, les circonstances le servirent bien, et son bonheur fut plus grand que ne le méritaient ses qualités. Il serait assez inutile d'entrer dans les détails de ses succès, et l'on se perdrait à retracer les frontières changeantes de ses possessions. Un fait du moins est hors de doute. La Hongrie devient à cette époque une grande puissance européenne et son influence s'étend au loin. À deux reprises en particulier, sa puissance apparaît considérable. D'abord, vers 1364, servi par les divisions inexpiables des Slaves du Sud, Louis reprend les prétentions des Arpades sur les provinces du Danube inférieur. Belgrade et Vidin relèvent directement de lui. Le ban de Bosnie, les voïvodes de Moldavie et de Valachie, le prince de Serbie reconnaissent sa suzeraineté. De la Leyte et de l'Adriatique, ses états s'étendent jusqu'à la mer Noire et des Carpates presque jusqu'aux Balkans. Il ne s'agit pas, semble-t-il, d'une de ces fugitives razzias si souvent entreprises par les rois de Hongrie. Lui cherche à établir solidement sa domination et les succès des franciscains qui répandent le catholicisme romain parmi ses populations grecques doivent faire disparaître l'obstacle le plus sérieux qui s'oppose à la fusion de Magyars et des Slaves du Sud. À la fin du règne, le spectacle change. La puissance de Lui n'est pas moindre, mais le centre se déplace vers le nord et l'ouest. À la mort du roi Casimir III de Pologne, 1370, lui a été reconnu roi par la diète de Cracovie. En même temps, l'Italie presque entière est soumise à son influence. Venise, avec qui il a guerroyé presque toute sa vie, s'humilie. Non seulement elle lui abandonne les villes de Dalmatie, si importantes pour la Hongrie, mais par le traité de Venise, 1381, elle s'engage à lui payer un tribut annuel de 7000 ducats. À Naples, Jeanne a été renversée par ses troupes et remplacée par Charles de Durazzo, son allié. La plupart des autres États italiens sont réduits à une demi-vassalité. Une des filles de Louis est fiancée au second fils du roi de France, Charles V. Une autre épousera le deuxième fils de l'empereur Charles IV, Sigismond. La curie approuve ses projets et combat ses ennemis. Les contemporains ont gardé de ce papillotement un peu d'éblouissement, mais il inquiète vite la réflexion. C'est déjà en sentant fâcheux que le revirement complet, le changement de front qui marque les dernières années du règne de Louis. Les intérêts permanents de la Hongrie étaient clairs. Ils se réduisaient à deux. La liberté de l'Adriatique et l'hégémonie de la péninsule des Balkans. Louis ne s'y est pas trompé, mais il n'a pas pu se résigner à renoncer à ses projets particuliers et aux traditions de sa famille. Il est resté angevin et napolitain, plus qu'hongrois. Les perpétuelles défections des bans bosniaques et des hospodars valaques ont vite lassé sa patience, et dès qu'il a compris par quels efforts il achèterait l'assimilation de ses provinces méridionales, il y a renoncé. Si bien que ses conquêtes n'ont eu d'autre résultat que d'affaiblir les Slaves du Sud et, en facilitant ainsi la conquête ottomane, de créer un péril nouveau pour la Hongrie. Vers l'Adriatique, les Dalmates n'acceptent pas la domination magyare et les Vénitiens, honteux de leur défaillance, revendiqueront bientôt la possession des deux rives de la mer italienne. Les Polonais supportent avec impatience le joug d'un roi étranger. Et les calculs d'une diplomatie subtile ne prévaudront pas contre l'instinct national. De ce grand effort, que restera-t-il au lendemain de la mort de Louis? Une extrême fatigue et cet énervement qui suit toujours les tentatives mal conçues et les conquêtes impolitiques. Les luttes pour la couronne. L'histoire officielle indique une succession régulière de monarques hongrois depuis la mort de Louis le Grand jusqu'à l'élection de Ferdinand Ier. Mais en réalité, les 150 ans qui s'écoulent entre l'extension de la dynastie angevine et l'établissement de la dynastie autrichienne ne sont guère qu'une suite de guerres civiles interrompues par des courtes trêves. Comme aucun lien réel ne rattache les sujets au souverain et que les règles de la succession au trône sont incertaines et vagues, chaque roi nouveau est obligé de conquérir le pouvoir et les rivalités des prétendants trouvent des complaisances intéressées dans l'avidité des seigneurs et dans les tendances particularistes des diverses provinces, des renforts qui les rendent interminables. Pendant 30 ans, Sigismond, 1381-1437, est en lutte avec Ladislas de Naples, mais en avant contre lui par les adversaires de Marie, fille de Louis le Grand, qui conteste aux femmes le droit d'héritier de la couronne, appuyée par les provinces dalmates et croates, Ladislas aurait peut-être fini par rester victorieux, s'il n'eût été lui-même menacé dans ses possessions napolitaines. Suite naturelle de ces luttes intestines, la décadence du pouvoir royal. Le règne de Sigismond résume très bien ceux qui suivront. Il manquera à tous les souverains les deux conditions nécessaires de tout établissement durable, la suite dans les idées et le temps. Maître en général de plusieurs royaumes, il connaissait mal leur peuple et, écrasé de soucis trop nombreux, ils s'épuisent en efforts décousus. Leurs absences fréquentes favorisent les insurrections et les sacrifices qu'ils imposent à leurs sujets pour leur lointaine ambition leur aliènent les esprits. Sans autre ressource régulière que le revenu de domaines incessamment diminués par des largesses imprudentes ou des usurpations audacieuses, sans armée permanente et sans administration, ils sont obligés d'acheter le secours des diètes en leur abandonnant peu à peu les prérogatives de l'autorité. Sigismond doit ainsi, pour obtenir les subsides des États, confirmer les anciennes libertés, promettre qu'aucune résolution importante ne sera prise sans l'aveu de la diète, la consulter pour la nomination de ses grands officiers. Le palatin devient une sorte de vicaire général, l'intermédiaire et l'arbitre entre le peuple et le souverain. L'administration de Sigismond. Cet anéantissement de la dignité royale et les désordres qu'elle entraînait étaient d'autant plus fâcheux que de redoutables périls s'amoncelaient à l'horizon. Sigismond était assez avisé pour le comprendre et il essaya des palliatifs. Les libertés publiques étaient trop énergiquement défendues pour qu'une restauration complète du pouvoir fût possible. Il tenta de créer une sorte de régime mixte où les diverses classes se feraient équilibre et où les privilèges des ordres contribueraient au maintien de la paix publique. La cour de Rome soutenait Ladislas de Naples. Sigismond interdit, sous peine de confiscation, de recevoir sans son autorisation des bulles pontificales et réserva à la couronne le droit de nommer aux charges ecclésiastiques. Ce placetum regium, 1404, qui est encore aujourd'hui une loi fondamentale du royaume, aurait amené, s'il avait été sérieusement appliqué, la constitution d'un clergé royaliste et national qui aurait soutenu le souverain contre la noblesse. Sigismond en même temps favorisait les villes. Appelé les représentants de la bourgeoisie à siéger dans les diètes, 1402, il espérait que les représentants des comitats, des villes et des bourgs, réunis dans la table des classes et des ordres, feraient contrepoids à la table des barons et des prélats. Louis d'Anjou avait accordé, 1351, aux seigneurs le droit d'exiger des redevances de leurs sujets, reconnu le premier justice patrimoniale, limité la liberté personnelle des paysans. Dès lors, écrit un historien Magard, la servitude était le lot ordinaire des habitants des campagnes. Sigismond essaya d'adoucir leurs conditions, leur rendit le droit de quitter leurs terres. Ces ordonnances, inspirées en général par un jugement exact de la situation, n'eurent que des résultats insignifiants. D'abord, elles ne furent pas maintenues d'une main assez vigoureuse, et d'autre part, elles heurtaient des préjugés trop profondément enracinés. Entre la bourgeoisie allemande et la petite noblesse magyare, aucune fusion n'était possible. D'ailleurs, les gentillâtres des comitats, protégés par les chartes et les traditions contre les empiétements des magnats, n'avaient aucune raison pour redouter des crises dont s'amusait leur turbulence et dont s'engraissait leur pauvreté. Les velléités de Sigismond en faveur des paysans ne tinrent pas longtemps contre la pression des nobles qui réduisirent leurs serfs à la plus dure condition. Il finit même par reconnaître à tous les seigneurs les droits de justice patrimoniale que Louis d'Anjou n'avait accordés qu'aux quelques barons. Les paysans, sans recours contre les maîtres, furent accablés des corvées et des redevances. Les jacqueries nombreuses que provoqua l'oppression n'aboutirent qu'à rendre leur misère plus noire et déterminèrent la confiscation des dernières garanties qu'ils avaient conservées. La Hongrie devint ainsi une république anarchique où quelques milliers de hobereaux disposaient au gré de leurs caprices des intérêts les plus sacrés. Décadence politique de la Hongrie. Telle est cependant la puissance de la liberté, même déréglée, que la bulle d'or et l'existence d'une classe nombreuse habituée à la vie politique sauvèrent malgré tout le pays de l'extrême abaissement dans lequel tomba la Bohême sous la domination des Habsbourg. Les seigneurs ne laissèrent jamais prescrire l'indépendance du royaume, mais ils durent acheter, par plusieurs siècles de souffrance, le droit de revendiquer une place privilégiée dans la monarchie autrichienne. Le patriotisme était vif parmi la noblesse magyare, mais il revêtait une forme inférieure et se traduisait surtout par des lois d'exclusion et d'oppression. Il s'épuisait en déclamations éloquentes et manquait de vigilance et de perspicacité. L'héroïsme se réveillait au moment du danger, mais ces explosions incohérentes et tardives ne conjuraient pas le péril. 15 ans après la mort de lui, il ne restait plus rien de ses conquêtes. Non seulement Sigismond n'avait pas réussi à empêcher la scission de la Pologne, qui avait reconnu pour reine la seconde fille de lui, Edwige, mais il avait dû renoncer à ses droits sur la Russie rouge. La perte de ses provinces lointaines et occupées par des populations entièrement slaves était presque inévitable, et par conséquent assez peu fâcheuse. Il n'en était pas tout à fait de même des contrées allemandes, les Ypres, que Sigismond engagea à la Pologne en 1412 et qui ne furent de nouveau réunies à la Hongrie que par Marie-Thérèse. Plus funeste, surtout, fut l'abandon de la Dalmatie maritime qu'il dut céder à Venise après une guerre d'environ 20 années, 1437. C'est vers le sud, surtout, et l'est, qu'apparaît le plus nettement la décadence politique du royaume. Les principautés slaves et roumaines, qui avaient jusqu'alors plus ou moins gravité dans l'orbite de la Hongrie, échappent à son influence. L'invasion turque. L'abandon des principautés slaves et roumaines du Danube fut la grande faute et le malheur capital du règne de Sigismond. L'heure était décisive. Le moment était arrivé pour la Hongrie de justifier par ses services ses prétentions à l'hégémonie. Affaiblie par leurs dissensions, rongée par les querelles religieuses, les États slaves auraient accepté la protection des rois de Pest s'ils avaient pu compter sur un appui effectif contre les Turcs. Les Hongrois, par leur négligence, perdirent à tout jamais l'occasion de fonder leur prépondérance en Orient. 4 siècles plus tard, quand ils voudront reprendre leur marche vers l'archipel, ils trouveront en face d'eux des peuples qu'ils n'ont pas su défendre et sur lesquels ils n'ont plus aucun droit à réclamer. Sigismond essaya à diverses reprises d'arrêter l'invasion turque, mais ses tentatives, mal combinées et mollement soutenues, furent en général malheureuses. Il tenta d'organiser les forces de la Hongrie, fixa les devoirs militaires des divers ordres, divisa le royaume en 7 camps, créa la cavalerie légère des hussards. Ce qu'il eût fallu changer, c'était les mœurs politiques du pays. Les levées se faisaient mal. Les recrues arrivaient trop tard, mal armées, indisciplinées, ne résistaient pas à la fatigue, se débandaient au bout de quelques mois. Le prince voisin, abandonné, plié peu à peu, acceptait la domination des infidèles. À la fin du règne, tous les postes avancés étaient entre les mains de l'ennemi et déjà, à plusieurs reprises, le flot de l'invasion avait battu la frontière. En Hongrie, comme en Bohême, le règne de Sigismond se terminait donc sous les plus sombres auspices. Attendant ses œuvres vives, par une constitution désastreuse, incapable de résister par ses seules forces à l'invasion, le peuple magyar fut sauvé du joug turc par l'héroïsme de Hunyadi. Mais, pas plus que leurs prédécesseurs, ils ne créèrent un pouvoir durable, et la Hongrie n'eut d'autre ressource que de chercher une protection dans la monarchie autrichienne. Fin de la section 59.